a voulu l'enfermer dans une cage pour pouvoir contenir toute sa rage. On a voulu la tenir à l'écart pour pas qu'elle cause trop de tort. Mais la voilà en beau colis et elle avec Mario le patron. Voilà qu'on la change de bureau. Si Julie la syndicaliste, Julie la syndicaliste qui a sauvé la Saint-Jean-Baptiste. Mais j'aime bien sa folie. Elle aime faire du vélo, jumper par-dessus les trous d'eau. Julie travaille dans un bureau. Elle a une crise de vieil auto. Elle est plus belle que Marilyn Monroe. Comme j'aimerais avoir sa photo. Comme j'aimerais avoir sa photo.